Et vous êtes bien sûr à Radio Libertaire 89.4. C'est la semaine de But de rêve, l'émission consacrée au cinéma d'animation. Voilà, donc je suis de retour après une petite escapade le mois dernier. En revanche, Alexis Uno n'est pas là parce qu'après l'émission de la dernière fois, il a dit tellement de bêtises qu'il s'est fait casser la figure, donc il est à l'hôpital. Voilà, non, c'était une plaisanterie. Bien sûr, bonjour Alexis, coucou. Bonjour Alexis, bonjour. Comment tu t'appelles ? Olivier, voilà. Ouais, et bon, on espère Alexis on t'a plus vu si longtemps. En pleine forme pour la prochaine émission. Annabelle n'est pas là non plus, mais elle ne saurait tarder. Normalement, elle devrait venir. En revanche, Serge, notre ami Serge Kornman, est toujours là, fidèle au rendez-vous. C'est la moindre des choses. Bonjour Serge. Bonjour. On l'a déjà entendu, vous avez remarqué. Les deux. Alors, au programme aujourd'hui, on a une invitée qui est à ma droite, Florence Dupont. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Et puis, donc on va parler avec elle dans la première partie de l'émission. Et ensuite, on aura une assez longue interview, une cinquantaine de minutes, de Serge Bromberg, qui est le directeur artistique du Festival d'Annecy, comme la plupart des gens le savent.